Zad, yeah. Bonjour Monsieur X. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Monsieur X ? Eh bien, ça va. Vous avez quelque chose à dire à nos auditeurs Monsieur X ? Quelque chose. Vous vous appelez Monsieur X vraiment ou Depuis la semaine dernière en fait. C'est la procureure de Saint-Nazaire en fait qui m'a baptisé comme ça. J'avais un vrai nom et puis apparemment il n'est pas vrai, apparemment j'existe pas, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Bon alors Monsieur X, qu'est-ce qui vous est arrivé pour vous appeler Monsieur X ? Ben alors c'est une longue histoire, donc ça a commencé en octobre dernier. Sur la ZAD, donc à Notre-Dame-des-Landes. Au tout début de l'opération d'expulsion, là, l'opération César, je crois que c'était le 18 octobre, je me baladais, en fait, sur la zone. Au carrefour des Ardinières, je suis tombé sur un barrage de police. Et donc, ils ont voulu contrôler mes papiers, mais manque de peau, ben, je les avais pas. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il m'arrive de les laisser à la maison lorsque je vais me promener à la campagne. Ils me mettent sur le côté de la route et au bout d'un certain temps, ils décident de m'embarquer à la gendarmerie, donc de la Chapelle-sur-Erdre, pour une vérification d'identité. On m'installe dans un bureau et on me dit que les éléments que j'ai donnés, nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, nom, prénom de mon père et de ma mère. Ils ne suffisent pas à justifier mon identité. Là, les gendarmes essayent de trouver des éléments qui peuvent bien prouver que je suis la personne que je prétends être. Vérifier dans leurs fichiers, ils vont aller sur Facebook. Ils m'ont retrouvé sur Facebook. Ça, c'est un vieux compte Facebook que je pensais avoir désactivé. Ils ont prétendu que c'était un faux compte ou que j'usurpais l'identité de quelqu'un qui existait vraiment. Ils m'ont dit que sur la photo qu'il y avait sur le compte Facebook, ils ne pouvaient pas me reconnaître parce qu'elle avait quelques années. Ils continuent à faire, soi-disant, leurs recherches. Et moi, j'attends toujours dans le bureau de la Chapelle-sur-Erdre. Et à un moment, il y a un gendarme qui rentre dans le bureau et qui me dit « Ah mais je me souviens de vous ». J'ai pris votre déposition, c'était dans un petit village à l'autre bout de la France, quand vous aviez 10 ans. Parce que quand j'étais môme, j'ai fait une connerie dans le village, j'avais été entendu par les gendarmes à l'époque. Le gendarme tourne l'écran de l'ordinateur vers moi. Et là, il me montre des photos de moi à 10 ans. Ils n'avaient pas à les avoir encore dans leur dossier, parce que normalement, quand on accède à la majorité, ils doivent effacer ça. Je suis toujours dans ce bureau, et à un moment, une gendarme a l'idée de venir me voir et de me dire qu'elle va procéder sur ma personne à des relevés. Anthropométrie, les empreintes digitales, photographie et ADN. Je refuse. Du coup, ils reviennent et ils me disent « Bon, ben, la procureure a décidé de vous mettre en garde à vue. » On le voit bien dans cette histoire, quoi. C'est le fichage, il est déjà partout. Ils ont déjà plein de moyens de nous retrouver dans leurs fichiers, sur Facebook, partout. Et autant pas leur faciliter la tâche. C'est quelque chose qui m'appartient. C'est mes empreintes digitales, c'est ma personne. Je veux pas les donner au premier venu qui a un képi et qui m'arrête au bord de la route. Et... C'est une forme de résistance. Et puis c'est s'opposer au fichage généralisé des populations. La suite de l'histoire, c'est que les gendarmes donc m'emmènent dans une autre gendarmerie, à Nort-sur-Erdre. On était trois. Donc j'étais avec deux charmants gendarmes qui avaient été envoyés en renfort de la Sarthe. Ils veulent me faire signer donc un PV de signification de mise en garde à vue que je refuse de signer, comme tous les autres documents qu'on m'a présentés par la suite. Ils savaient très bien qui j'étais, en fait. Donc ils m'emmènent dans la salle d'interrogatoire et ils commencent à me poser des questions. J'ai répondu par oui ou par non aux deux premières questions. Nom, prénom et est-ce que vous refusez toujours de donner vos empreintes digitales. Et ensuite, j'ai refusé de répondre aux questions. J'ai dit que je ne parlerai qu'en présence de l'avocat. Et là, les gendarmes ont été très déçus, puisque même en présence de mon avocat, j'avais toujours rien à dire. De ce dernier interrogatoire avec l'avocat, ils m'ont relâché. Parce qu'il était 18h quand même. Je me doutais bien qu'ils n'allaient pas laisser les deux gendarmes dans la gendarmerie fermée avec moi. Pour la nuit, juste parce que j'avais pas voulu donner mes empreintes. La nuit commence à tomber, il fait froid, j'ai quasiment rien sur moi. Le dernier bus est parti 5 minutes avant que je sorte. Et je repars quand même avec une convocation au nom de X, prétendant être... Et mon nom derrière. Et donc, le 22 janvier, vous êtes passé devant la justice au tribunal à Saint-Nazaire. Au moment où je suis appelé à la barre, la procureure dit « Monsieur, il y a un problème avec votre dossier, parce que j'y ai passé la matinée, mais je ne vous trouve nulle part. Monsieur, vous n'existez pas. » Alors moi, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, d'autant plus que par la suite... J'avais fourni ma carte d'identité, d'ailleurs ce jour-là je m'étais présenté au tribunal avec ma carte d'identité, mais non, je n'existais pas. Je lançais des regards étonnés vers mes copains dans la salle, en disant « mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive ?» Il y avait un autre problème, c'est que je passais au tribunal de Saint-Nazaire, alors que j'avais commis un délit à la Chapelle-sur-Erdre, qui est sur la juridiction de Nantes. Les juges se sont déclarés incompétents, territorialement, puisque c'était pas leur juridiction déjà. En plus, ils ont demandé donc une enquête approfondie pour qu'on puisse définir réellement qui je suis. Est-ce que vous savez qui vous êtes en fait, Monsieur X ? La morale de cette histoire, c'est si quand je donne mon vrai nom, on me croit pas, est-ce que ça vaut le coup que je le donne la prochaine fois ? Yeah. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage? Oublie tes profits, vinci, dégage.